femme, 2-3 plantes peu, 3-4 flambeux. Je te montre quoi, mes larmes me servent de l'enduro. Dis-moi, tu veux voir ma TC, le côté vrai, vrai, vrai de ma TC. Oh, ma clique, tu veux voir ma clique, yeah. Et tout le 1-5-1 réuni. Dis-moi, profite de la zik, elle me fait jacter. Alors je te montre quoi, mon cul, mon style foutu, mon cœur de pierre, un string de sœur ou ma maille douteuse. Quoi, mes pensées insensées, classées dans le danger, mon passé, tu connais. Quoi, manoto sur le ring, ou bien sur une moto, comment faire le ding. Les miens et leurs 30 millions d'ennemis, ou voir commence de pas plein ami. Alors je te montre quoi, ma qualité de pédé, mes capacités au micro, ma réalité dite rétro. Le pourquoi du comment, m'zalaza depuis que j'ai mot. Brise les faux, c'est pas un hasard, j'maîtrise négro. Ma dose, ça explose quand j'pose trop. Siri, m'zalaza en fun prose, maintenant monte-toi. Alors je demande moi mon vrai visage, mon train de vibrage. Laisse couper toutes les a ou la braise de mes pages. Scribouiller sur toute leur largeur, on s'en fout de la marge. Je demande quoi, mais sans me foutre par, je crois. Nous sommes tous larges et qu'on mène notre parc. Je demande quoi, et puis merde, vas-y, monte-toi. Yeah. Alors je demande quoi, man, ma vie, mamie, ou mes amis. Dis-moi quoi, man, ma vie. Mamie, ou mes amis, tu veux tout quoi, man, ma vie. Mamie, ou mes amis, dis-moi quoi, man, ma vie. Mamie, ou mes amis, mon clip, 9 de 10.